mon cœur ça fait beau. Et tu m'aimeras sur les mille refrains que mille tambourins vont jeter aux étoiles. Et tu danseras tant qu'un seul musicien de sa voix, de ses mains nous fera la fiesta. On pourra, si tu le veux, faire la sieste ou la siesta et se reposer un peu. Mais jusqu'à demain, rien ne peut m'arrêter. Je veux encore danser sur la dernière étoile. C'est déjà demain, je voudrais te garder. Et si tu veux m'aimer, la fiesta finit bien.